dans le quartier du 17e arrondissement, porte de Saint-Ouen, un secteur où la présence de bandes de jeunes pose problème depuis plusieurs semaines. Le trafic de drogue ne s'interrompt jamais et les points de vente se comptent par dizaines. 17% mon ami. C'est Mozart, capitaine Jackson. Five. Double. À 17%, pourtant, t'as l'impression que ça rafale à bout portant. Je sors un autre album, pépère, comme la violence dans nos ghettos joue partout. On reste fidèle au poste, garde la pêche. Je me rappelle quand j'avais rien dans les poches. Maintenant tu me jettes quand je jump dans le Porsche. Non, non, je peux pas louper le coche. Je t'envoie mon rythme si tu payes pas en cash. On veut tourner la page, mais tu sais qu'en bas le train de vie nous forge une mauvaise carapace. Hein, quand j'arrive, fais de la place. Je connais le moteur comme mon gamme aussi passe. À l'ancienne, c'était moi le dernier de la classe. Vendré, bléché la jonquière. J'ai ma vie comme une partie de poker. Je suis impliqué en bas, je suis impliqué en haut. Commencer en bas. Pour finir en haut, c'est les mecs d'en bas qui peuvent trouer ton haut. Mozart, capitaine, L-E-T-O, O-M-I-C-R-O. Système, il me remplit de vodka pour me sentir moins seul quand j'ai mal au cœur. Eux, ça se voit qu'ils sont remplis de rancœur. Moi, j'ai démarré le compte à rebours, mais pour l'instant, je travaille comme un robot. Dans quelques années, je prends du repos. C'est la K-47 qui fait bobo. Je gère la société au bigot. J'ai compris que sans rêve, tu ne vis pas. En vrai, je sais même pas si je vais bien, mais je comble ce manque avec l'oseille. On aime faire tout ce qui est impossible. On connaît déjà tes points sensibles. Quand ça parle de mes gains, je suis impassible. Que des têtes de nazis dans la passade qui m'interpellent, mais j'ai pas le mi-père. Heureusement que le Condé est fan de moi. Il me dit tranquille, bonne soirée, allez-y. Il sait même pas que dans le coffre y'a de la neige. Fais ça bien, fais ça bien, fais ça bien. J'suis dans le bas, j'suis dans le bas en plein dedans. En hiver, en été, en automne. On garde le tertus, petit frère. Fais ça bien, fais ça bien, fais ça bien. J'suis dans le bas, j'suis dans le bas en plein dedans. En hiver, en été, en automne. On garde le tertus, petit frère. J'suis même pas à 17%. J'suis même pas à 17%. J'suis même pas à 17%. Je suis même pas à 17%. Je suis même pas à 17%.